Dès lors, Nantas se tourmenta moins. 3 mois s'écoulèrent. Il se trouvait engagé dans une grosse besogne. Il avait apporté au système financier d'importantes modifications. Il savait qu'il serait vivement attaqué à la chambre et il fallait préparer une quantité considérable de documents. Souvent, il veillait des nuits entières. Cela l'étourdissait et le rendait patient. Quand il voyait Mademoiselle Chuin, il interrogeait d'une voix brève. Savait-elle quelque chose? Madame avait-elle fait beaucoup de visites? S'était-elle particulièrement arrêtée dans certaines maisons? Mademoiselle Chuin tenait un journal détaillé, mais elle n'avait encore recueilli que des faits sans importance. Nantas se rassurait, tandis que la vieille clignait les yeux parfois en répétant que bientôt, peut-être, elle aurait du nouveau. La vérité était que Mademoiselle Chuin avait fortement réfléchi. 10 000 francs ne faisaient pas son compte. Il lui en fallait 20 000 pour acheter la maison du notaire. Elle eut d'abord l'idée de se vendre à la femme, après s'être vendue au mari. Mais elle connaissait madame. Elle craignit d'être chassée au premier mot. Depuis longtemps, avant même qu'on la chargeât de cette besogne, elle l'avait espionnée pour son compte en se disant que les vices des maîtres sont la fortune des valets. Elle s'était heurtée à une de ces honnêtetés d'autant plus solides qu'elle s'appuie sur l'orgueil. Flavie gardait de sa faute une rancune à tous les hommes. Aussi, Mademoiselle Chuin se désespérait-elle lorsqu'un jour, elle rencontra Monsieur Desfondettes. Il la questionna si vivement sur sa maîtresse qu'elle comprit tout d'un coup qu'il la désirait follement, brûlée par le souvenir de la minute où il l'avait tenue dans ses bras. Et son plan fut arrêté, servir à la fois le mari et l'amant. Là était la combinaison de génie. Justement, tout venait à point. Monsieur Desfondettes, repoussé, désormais sans espoir, aurait donné sa fortune pour posséder encore cette femme qui lui avait appartenu. Ce fut lui qui le premier tâta Mademoiselle Chuin. Il la revit, joua le sentiment, en jurant qu'il se tuerait si elle ne l'aidait pas. Au bout de 8 jours, après une grande dépense de sensibilité et de scrupule, l'affaire était faite. Il donnerait 10 000 francs, et elle, un soir, le cacherait dans la chambre de Flavie.